Recouvert de son immense tapis mouvant, que viennent caresser les branches dorées du soleil. Elle cache cette pleine de vie et tant de merveilles, du belliqueux requin des tropiques au tendre saumon des pays nordiques, ainsi que les algues jus enivrant. S'exploser le long des rivages aux falaises sauvages, ou des côtes blondes sablonneuses plus sages, entre baigneurs parlant en vacances et hommes pour la pêche en partance, elle choisit sans douceur de se poser. Laisse s'évader ton regard indiscret. Tu y verras quelques îlots et voiliers à l'arrêt, balancés par des flots d'humbles si purs, enrobés de l'air qu'on croit nature, qui par la vie tranquille se sont laissés râper. Comme un tonnerre en ébullition, elle distrait grands et petits avides de sensations. Heureux sur la fragile planche, sur ou sous la mousse blanche, elle protège même n'importe quel débutant. S'enfoncer à petits bonds, puis elle le noie sans en laisser un seul débris.